23e leçon. Le loto. Qu'est-ce que vous faites, Jean ? Je fais mon loto. C'est un jeu très intéressant. Regardez. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai le 5, le 7, le 11, le 22, le 43 et le 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros et vous donnez la carte au patron du tabac. Et alors ? Ben, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. Et vous avez gagné ? Non, pas encore. Bon, moi je vais jouer. Je choisis le 2, ensuite le 13, le 14, le 20, le 30 et le 32. Exercice. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous choisissez la bonne réponse. C'est un jeu qui est très intéressant. Il va jouer du piano ce soir. Qu'est-ce que je fais ? Ben, j'attends.